Fagnon duo des chants graves, partenaire du rap lourd. L'âme du rasoir est figée. Le codave, Rocketeer, ARC, ARCO. Rythmo, Delano, Delano, moi j'ai la rage, pire qu'une rage dedans, pire qu'on cache dedans. Depuis 8-7 que je me suis dit dans le rap, je m'en cache dedans. Je brise des portes, rentre en barge dedans, saute et mes potes s'emportent et ventre en large devant, même si t'es large devant. S'il y avait pas assez de marge avant, si au départ j'avais que moi-même à l'arrivée, compte bien les barges devant. Plus nombreux que dans mes classeurs cahiers, y'a de pages dedans, tu piges dedans. Somme pour toi, je déconne pas et je marche des viands. Les fils de l'âge, dis vieux, c'est le son tonnage, les places en otage du vent. Au dernier étage, ils vont dans le vide de sucre et en sois sage devant, crée en voilage. Me rends pris dans le voilage du bon voilage, je rends toujours les coups, rends la monnaie et en rage dans le genre. Les dérange en m'arrangeant toujours pour obtenir, tenir, détenir. Mon but, l'acquérir par n'importe quel arrangement. Tant qu'une tenue pas, ne t'emmène pas au pire, ne te mets pas sans dérangement. On fait la guerre avec du rap lourd. En dessous des tours, parmi des vautours et les wacks, le micro comme seul recours. Des guerriers roses dans l'âme, rasoir la flamme sortie du macadam. On pousse vite sans état d'âme. Au départ, en chacun nous, la peur de rater le coche, ils craignent se concrétise. En chacun nous, la volonté de parvenir à détenir le haut du pavé. En partageant avec d'autres notre maîtrise dans ce bise, notre amertume s'allie à une ferveur animale que rien ne pourrait éteindre. L'âme du rasoir, pas de parole de réconfort, m'arrole pas. Si tu veux le confort, acharne-toi, bougre, bouge-toi. Reste loin de ceux qui veulent t'atteindre. Nous on prend le soin de laisser loin ceux qui cherchent à nous éteindre. Nos liens indissolubles et le Vaitra nous ont fait découvrir des joies, puis connaître de fortes sortes de fièvres et voir des portes s'ouvrir à nous, voir des gens s'ouvrir à nous, voir des gens sourire aux lèvres, bougeant sur nos sons et qui dans nos textes trouvent refuge. Quant à nous garçons, y'a pas grabuge, on kiffe nos modes de vie, nos codes de vie. Ben quoi, t'as l'air surpris garçon. Le rap. Seul mes lames j'appellerai. Je me veux l'étoffe d'un pèlerin. Trouver ma pèlerine. Mes bourges m'en rappellerai. Mes lames on en reparlera. Mais d'ici là, l'âme dans l'âme, mon âme. Faut pas que les larmes coulent quand je flingue du stylo. Mes déceptions se gravent. Habille-toi sur mon sort. On a tué pis-toi. Habille-toi, viens on sort. Déception grave, cœur à rien faire. On se dit si à nouveau ça foire. La zigou fuir si ça foire. Peur invétéré. Dans ce milieu, pas un vétéran. Peu importe la porte, je m'étais dit qu'un jour je me vétérerai. Pas de boucan, de boucan. Le bon camp pour moi comme option. Full camp, en boule camp, je vois des schnocks sont Scud Roro, spécimen rare à grand tour. Ça s'annonce pour le cure, parfois ça sent le four. Allez, elle est partie à 10. Combien de revenus, combien arrivés? Arrimé d'une 10, ta taf, coffre peu de revenus. On fait la guerre avec du rap lourd. En dessous des tours, parmi des vautours et des wacks, le micro comme seul recours. Des guerriers roses dans l'âme, rasoir la flamme sortie du macadam. On bousille, on fait la guerre avec du rap lourd. En dessous des tours, parmi les vautours et les wacks, le micro comme seul recours. Des guerriers roses dans l'âme, rasoir la flamme sortie du macadam. On bousille sans état d'âme. Exterminateur tueur au micro.